quand j'ai vu traîner le long de mon avenue, malgré ma canne blanche, je l'ai vite reconnu. Avec ses yeux peints couleur mélodrame, on fait tout ce qu'on peut du temps et de son âme. J'attendais la nuit à l'ombre de l'usine, je regardais ma vie comme un vieux magazine. Le vent était chaud, le ciel peint de rouge, elle marchait sur un bateau qui bouge. Elle est venue vers moi pour m'apprendre mon rôle, quand ma solitude était vraiment pas drôle. J'ai senti l'orage quand ma voix s'est cassée, mais déjà je dansais comme un clown sur la trace de Salomé. Il y avait dans son lit quelques cartes égyptiennes. Elle m'a demandé de deviner la mienne. Plongeant dans mes yeux, elle jouait les sirènes. Moi j'étais son fou, elle était ma reine. Avant de sortir, j'ai volé toutes ses cartes. J'en ferai des souvenirs pour ses amants qui partent. Elle semblait dormir, j'ai cru qu'elle rêvait. Ma chance est fragile, je voulais pas l'user. Dans ses marches, j'ai pas fait de vacarme, mais j'ai vu ce fou se prendre au signal d'alarme. Une fois dans la rue, j'ai enfin respiré. Il pleuvait, mais le vent de minuit a chanté pour Salomé. J'entends le pauvre Oscar Saint-Jean-Baptiste et lui demandait si le temps qui passe existe. Sur le bord du puits, quand l'autre a maudit l'ombre en plein midi, personne n'a compris. Oscar est parti sous la nuit d'équinoxe, il a juste laissé sa paire de gants de boxe. Tout était en place, le rideau s'est levé, les juges ont crié place aux condamnés. Tout ça peut paraître étrange histoire.